l'or dans les mains. Recouvert de cendres et de poussière. Un piano, un micro, une poussette. C'est mon univers et c'est tout simple. Pleurer dans le coussin, jamais rien montrer. Le fusil derrière la porte d'entrée. Tout terrain sur le terrain excentré. J'ai l'amour, le cash et la santé. La maison est hantée. La nuit j'entends des pas, j'entends des bruits. Issa a dit je reviens, je l'attends depuis. Des fois j'ai des visions partant de pluie. Hein. J'pèse plus la verte, j'fais à l'aveugle. Y'a trois meufs selon ma déduction. Et mon tarpé, j'marche avec mon bon cœur, causera ma destruction. Une pétasse du NSI. Et le dos se croit invincible. J'ai reçu le virement, encore 7.6 dans la N26. L'exo-justice déborde de la masse. J'sors à peine de bourbier, j'ai besoin du lersa, j'ai besoin de massage. Vois les ports au passé, son bocassa. Fais-toi livrer sur l'application. J'remonte dans un dernier classa. Fuck les cautions, fuck les locations. Gang, gang, très boisson, moula, potion, des vatos, des grands garçons. Gang, gang, gang, gang, moula, potion. On va pas crever les poches vite sa mère, aucun rapport. J'suis bourré, j'aime ses petites manières. Et j'la tape fort, j'me suis déjà levé pour un petit salaire. Maintenant c'est mort, le silence vaut de l'or. Ça sert à rien de parler fort. Ça sert à rien de parler fort, même si tu passes pour un faible. Ramène l'approche, la dévore. Midas remet de la réverb. Je remonte, je vais me les faire. Après, je vais faire comme Trevor. Faire un max de billets verts. Je renonce jamais dans l'effort. Envers moi-même, je suis sévère. Tu bouges la tête quand c'est fort, t'inquiète pas, je sais faire. Gendarmerie, tu suis tes positions. Muet comme une tombe pendant l'audition. À la hauteur de mes ambitions. Maintenant, je prends la vie dans toutes les positions. Que des fatos dans le casting. Fais du mal, ça t'éteint sur le parking. T'es une victime dans ton quartier, salope. J'suis la F1, t'es le karting. J'suis boycotté comme Benzema. J'crois bien qu'ils ont peur que j't'aimons. Tout est noir dans le cœur de Xena. J'vais un GLA, Farc, Xenon. Du pilon, du Giacomien. J'ai brassé, j'sais pas combien. J'suis dans la savane comme un braconnier. Et j'ramène un graille au mien. Gang, gang, très boisson. Moula, potion. Des vatos, des grands garçons. Gang. Gang, gang, gang, moula, potion. On va pas crever les poches vite sa mère. Aucun rapport, j'suis bourré, j'aime ses petites manières. Et j'la tape fort, j'me suis déjà levé pour un petit salaire. Maintenant c'est mort, le silence vaut de l'or. Ça sert à rien de parler fort.